So today, 19th of June, year 2016, on Sunday, in Dhammaransi Meditation Center, we start the meditation now, reach to the fifth day of our practice. Every day, we are watching, observing to understand our mental and physical phenomena clearly, to understand clearly this mental and physical phenomena. Now, keep on watching that is more and more clearer. Because 5 days of practice is make perfect. You must go on the right way, the right path, then your concentration, your mindfulness, your understanding level must be different, must be progressed. And that is why yesterday I mentioned study of our body and mind. In our mind is how it is there, this arise in ourselves. Yesterday, this about the sense, about the object, and how they get the causes. All the causes support, then that is arise the mind's knowing the object. So in theory, we can understand by listening talk or reading the books. But to understand in our own experience is, yesterday also I mentioned, we need very alert mindfulness, effort, concentration, observation power, then more and more in detail we start to understand. 5 days of practicing, cultivating our mindfulness and concentration is must, if you go really diligently, if you got faith and confidence, can be a progress. It is quite enough. Nous sommes aujourd'hui le 19 juin 2016, dimanche. Cela fait 5 jours que nous pratiquons la méditation Vipassana ici au centre d'Amarancy. Chaque jour, nous nous sommes entraînés à observer attentivement tout ce qui se passait en nous. Nous l'avons fait dans le but de comprendre la véritable nature de ces phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent. Plus la pratique s'est développée, plus nous avons réussi à voir clairement. Nous travaillons donc déjà depuis 5 jours, ce qui n'est pas mal. Il faut commencer par suivre le chemin juste. Une fois qu'on aura rendu les instructions pour le chemin juste, il faudra s'efforcer de développer la concentration et la compréhension. Hier, nous avons vu comment les phénomènes physiques et mentaux n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître à l'intérieur de nous. Nous avons également vu qu'il y a chaque fois des causes qui vont permettre à aux différentes consciences de se manifester. La conscience ou l'esprit, c'est ce qui expérimente, ce qui sait. Si les causes sont réunies, cet esprit va se manifester. Tout ceci, nous l'avons compris en théorie, mais il faudra réussir à le comprendre par expérience directe, dans son propre corps et son propre esprit. Pour développer cette sagesse, il faudra obligatoirement que l'esprit soit très alerte, que l'attention soit forte, que la concentration soit forte, que nous disposions de la puissance de l'observation. Si tous ces facteurs deviennent forts, il sera possible d'observer de façon de plus en plus détaillée. Et si nous y ajoutons la confiance, nous pouvons être sûrs que nous allons progresser. Parmi tous les facteurs qui vont nous permettre de progresser, l'attention est le plus important. Le Bouddha explique dans le Satipatthana Sutta qu'il n'y a qu'un seul chemin pour arriver à la purification des êtres. La purification des êtres, en réalité, c'est la purification de l'esprit. Pour se libérer de la souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, pour développer la compréhension et pour atteindre Nibbana. Ce seul chemin, c'est le chemin de Satipatthana. Satipatthana comprend deux parties, sati qui veut dire attention, patthana qui veut dire cultiver. Il y a quatre fondements pour l'attention, quatre satipatthana. Comment se fait-il qu'il y ait quatre satipatthana alors qu'on vient de voir qu'il n'y a qu'une seule attention? Oui, il n'y a qu'une seule attention. Mais cette attention va porter sur quatre catégories d'objets. Comme il y a quatre catégories d'objets, on dit qu'il y a quatre satipatthana. Quelles sont ces quatre catégories d'objets? C'est tout d'abord kaya, le corps, vedana, la sensation, citta, l'esprit, et dhamma, tout ce qui n'appartient à aucune des trois qui ont précédé. Il y a donc quatre objets et une seule attention. Il y a donc quatre satipatthana. Sati, c'est donc l'attention. Dans les Écritures, on donne à Sati certaines caractéristiques. On dit notamment que Sati est apilapana. Pilapana veut dire flotter. Apilapana veut dire ne pas flotter, ferme. On peut illustrer cela par l'exemple suivant. Imaginons qu'il y ait un plan d'eau sur lequel on va jeter un ballon. Ce ballon va flotter à la surface de l'eau. Il ne trouve pas sa place, car s'il y a du vent, il sera poussé d'un côté ou de l'autre. Il est donc pilapana. Mais sati n'est pas comme ce ballon. Sati est plutôt comme une pierre, une lourde pierre, qu'on jetterait sur ce même plan d'eau. Cette pierre va pénétrer, couler au fond du plan d'eau et atteindre le fond, où elle va trouver sa place. Une fois à sa place, elle ne bougera plus. Telle est donc la caractéristique de l'attention. Elle est apilapana. Si vous disposez de cette qualité d'attention, vous pourrez développer la puissance de l'esprit. Une autre caractéristique de l'attention, c'est upagahana. Upagahana, upa veut dire précis, gahana veut dire attraper, maintenir, cerner. Si nous disposons donc de cette qualité d'attention, nous pourrons comprendre clairement les objets. S'il y a une faiblesse au niveau de l'attention, que l'attention n'est pas ferme, qu'elle ne détient pas cette qualité, l'objet sera peu clair. Il arrive souvent que les méditants expliquent à l'entretien qu'ils ne voient pas bien tel ou tel objet. C'est tout simplement parce que leur attention est trop faible. Il faudra donc fournir un effort pour développer l'attention. Effort plus attention, deux facteurs très importants dans la pratique. L'effort se dit viriya en pali, l'attention se dit sati. Viriya plus sati égale samadhi. Si donc nous réussissons à développer l'attention et l'effort, nous obtiendrons la concentration juste. Nous devrons constamment faire l'effort d'établir l'attention sur l'objet, une attention très ferme qui ne flotte pas à la surface de l'objet, mais qui s'y enfonce. Et nous devrons faire cela dans l'instant présent. Nous avons donc vu les caractéristiques de l'attention. Voyons maintenant quelle est la fonction de l'attention. La fonction de l'attention, c'est de ne jamais oublier, de ne jamais ignorer l'objet. En pali, on dit l'attention est asamoha. L'objet n'est jamais flou. C'est donc la fonction de l'attention. Et oui, si vous êtes très attentif, vous n'oublierez pas. Si par exemple vous mettez un objet sur la table sans attention, il est fort probable qu'après quelque temps, vous ne vous souvenez plus de l'endroit où vous avez déposé cet objet. Par contre, si vous déposez un objet sur la table avec attention, vous vous souviendrez très bien de l'avoir déposé à cet endroit. Le fait donc de se souvenir, de ne pas oublier, c'est la fonction de l'attention. Les yogis vont donc faire rapport de leurs expériences au moment de l'entretien. Un yogi qui est vraiment attentif au moment où il fait son expérience pendant la méditation n'aura pas besoin de l'écrire. Mais il arrive très souvent que les yogis écrivent leurs expériences dans un cahier de façon à ne pas l'oublier au moment de l'entretien. Tout ceci, c'est tout simplement l'indice que leur attention n'était pas très développée au moment où ils ont fait cette expérience. S'il fait une expérience et que son attention est très forte au moment où il fait cette expérience, il s'en souviendra au moment de l'entretien, il n'aura pas peur d'oublier et ne se sentira donc pas obligé de la mettre sur papier. La fonction de l'attention, c'est donc de ne pas oublier. Cette attention est très forte, très ferme. Ici, au moment de l'entretien, on n'est pas très exigeant, on ne demande pas aux méditants d'expliquer avec précision ses expériences. Il ne doit pas non plus le faire de façon très concise, parce qu'il n'y a pas tellement de monde et que de plus, la retraite est très courte. Mais au centre de Rangoon, à Panditarama, les retraites sont beaucoup plus longues, 3 mois, et le méditant fait un rapport beaucoup plus précis et concis. Il doit être concis, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde et que le professeur n'a pas le temps d'écouter tous les détails de son rapport. Le méditant doit donc faire rapport uniquement des expériences les plus claires. S'il n'a pas été très attentif au moment où il a fait l'expérience, il va la mettre sur papier, car il a peur d'oublier. Par contre, s'il était très attentif au moment où il a fait l'expérience, il sera capable de se souvenir facilement de son expérience et l'exposer de façon très concise. Comment savoir si nous détenons l'attention? L'attention a donc pour fonction de nous permettre de ne jamais oublier. Elle va également nous protéger. L'attention protège celui qui la détient. Si nous n'avons pas l'attention, nous nous sentirons en danger. Par contre, si nous avons l'attention, nous nous sentirons en sécurité. Imaginons par exemple quelqu'un qui se trouverait dans un endroit dangereux. S'il est attentif, il n'aura pas besoin d'avoir peur. Il se sentira en sécurité, mais il faut pour cela qu'il soit très attentif. Le Bouddha lui-même a dit que l'attention, c'est le facteur le plus important si on veut réussir à contrôler notre esprit. Une autre fonction de l'attention, c'est de pousser l'esprit vers l'objet. Un yogi qui est attentif pourra constater que grâce à cette attention, l'objet lui apparaît clairement. L'attention pousse son esprit vers l'objet, le dirige vers l'objet. Le yogi sent que son esprit est contrôlé grâce à cette forte attention et il pourra ainsi développer la concentration. Quelle est la cause immédiate de l'attention? La cause immédiate de l'attention, c'est la ferme perception. La perception, c'est le fait de noter. Une perception qui est ferme, c'est une perception qui se fait sans interruption. L'esprit est établi sur les différents objets, il les perçoit clairement. Comment allons-nous faire pour développer cette qualité d'attention? Nous allons noter tout ce qui se manifeste sans interruption et chaque fois, nous allons étiqueter ces objets. Si nous procédons ainsi, nous pourrons percevoir des objets de façon très ferme, très solide. L'attention pourra alors se développer. Les quatre établissements de l'attention, les quatre satipatthanas, sont donc la cause pour l'attention. En d'autres termes, l'attention est la cause pour l'attention. Nous allons donc observer le corps physique, les sensations, l'esprit et les dhammas. Nous allons observer ces choses de façon continue et ainsi nous allons développer notre attention. Hier, je vous ai donné les instructions pour la méditation vipassana. Ces instructions sont contenues dans le Mahasatipatthana Sutta, le sermon du Bouddha. Je vous ai demandé de simplement noter tout ce qui se manifeste à chaque instant de façon prédominante, d'éviter de penser, éviter d'analyser. Il faut observer tel que cela se manifeste dans l'instant présent, sans interpréter, sans interférer. L'esprit est poussé vers l'objet et vous le notez. Vous allez ainsi petit à petit développer votre attention. Si vous percevez les différents objets de façon très claire et très ferme, votre attention va se renforcer très rapidement. En général, les yogis n'aiment pas étiqueter les phénomènes. Ils disent qu'ils ne sont plus en contact direct avec la sensation. Mais pour développer une forte attention, il est nécessaire d'étiqueter les phénomènes. Même si, parfois, effectivement, cela peut déranger un petit peu. Mais il faut savoir que l'étiquette en elle-même n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'être attentif, de prendre conscience. Pourquoi faut-il étiqueter dans ce cas? Il faut étiqueter ces différents objets, justement pour les percevoir de façon pénétrante. Si nous les étiquetons, nous allons en prendre conscience de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus ferme. Nous ne les oublierons pas. La somnolence, la torpeur ne pourront pas s'introduire dans l'esprit, car cet esprit qui étiquette les phénomènes est très alerte. Parfois, au cours de la méditation, vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Par moments, ces mouvements vont devenir très subtils, c'est comme si vous ne les ressentiez plus. Si vous êtes attentif, vous pourrez voir clairement que les mouvements de l'abdomen étaient clairs et que petit à petit, ils sont devenus subtils. De très évidents et grossiers qu'ils étaient au départ, ils sont devenus subtils et difficiles à percevoir. Vous devez alors tout simplement noter, grossier, grossier ou clair, clair au moment où ils le sont, subtil, subtil au moment où ils sont devenus subtils. Parfois, vous aurez même l'impression que les mouvements s'arrêtent carrément. À ce moment-là, le fait que les mouvements sont devenus inexistants est précisément l'objet à observer et vous notez disparition du mouvement, disparition du mouvement. Vous devez donc observer tout ce qui se manifeste à chaque instant. Tel que cela se manifeste, vous ne devez pas essayer d'avoir une respiration plus claire lorsque la respiration est devenue subtile. Vous notez simplement qu'elle est devenue subtile. C'est pour toutes ces raisons que le fait d'étiqueter les phénomènes peut être très utile. Essayez donc d'étiqueter les objets que vous observez, même si cette étiquette n'est pas importante en soi, mais cela va vous aider au cours de votre pratique. Parfois, vous aurez l'impression qu'il n'y a plus d'objet. Vous devez alors tout simplement noter, savoir, savoir, car la conscience, l'esprit est encore toujours là. Essayez d'être toujours attentif à tout ce qui se manifeste à chaque instant. Donc nous avons compris en quoi consiste l'attention. C'est un facteur très important. Nous pratiquons vipassana, vi veut dire spécial, passana veut dire observer. Nous allons donc observer de façon particulière, spéciale. Dans les Écritures, il est dit qu'il y a 10 dhammas, 10 choses qui accompagnent tous les êtres au moment où ils pratiquent. La première, c'est la chaleur. La deuxième, c'est le froid. La troisième, c'est la faim. La quatrième, c'est la soif. La cinquième, les sels. La sixième, c'est l'urine. La septième, c'est la somnolence. La huitième, c'est le vieillissement. La neuvième, c'est la maladie. La dixième, c'est la mort. Ces 10 choses, ces 10 dhammas, accompagnent tous les êtres, et y compris les méditants. Nous devrons donc faire face à ces 10 choses au cours de notre vie. Lorsqu'on pratique, on va observer tout cela et on voit comprendre de mieux en mieux ces choses. Il y a par exemple dans le corps les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ces éléments vont se manifester dans des proportions variables. Ici, nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen comme objet primaire d'attention. Nous observons l'élément air, le mouvement. Chaque élément a ses propres caractéristiques. Plus on pratique, mieux on comprend. On comprend comment le corps et l'esprit fonctionnent, l'interaction entre le corps et l'esprit, on comprend la vie. Et on développe ainsi les connaissances vipassana. Yeah, for today Dhamma Talks, enough here. So wish you all. May you all be able to understand more and more about the reality of our life. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.